laissée au bout du monde, dans le ventre d'une blonde, un enfant qui me survivra. Un goût de cendre et de terre, un peu de sang sur les pierres, c'est tout ce qu'il aura de moi. De l'enfance, mon désespoir me survivra. Tuez-moi. Je porte en moi la colère, les cheveux blancs de mon père. Il a toujours eu peur de moi. Tuez-moi. J'ai laissé au bout du monde, dans le ventre d'une blonde, un enfant qui me survivra. Un goût de cendre et de peine, un peu de sang dans ses veines, c'est tout ce qu'il aura de moi. Je vais faire un grand séjour en enfer. Tous mes copains habitent là. Tuez-moi. Comme j'ai le goût de l'ombre, mais avant les catacombes, rendez-moi ce service-là. Fais-moi comme ça vous chante, de mort violente, de mort lente, sous un couteau sur une croix.